phonétique. Activité 6A. 1. Pain. Paix. 2. Baie. Bain. 3. Craie. Craie. 4. Saint. C'est. 5. Bien. Bien. 6. Rien. Rien. 7. Lin. Lait. 8. T'es. T'es. 9. Messe. Mince. 10. Rein. Ray. 11. Viens. Viens. 12. Vais. Vingt.